Les ministres des Affaires étrangères de divers pays ont fait parvenir leur message de félicitations à Lee Yong-ho, nommé ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée. Ce sont les ministres des Affaires étrangères de Cuba, du Laos, de Singapour, du Qatar, d'Iran, d'Indonésie, d'Allemagne, de Roumanie, de Suisse, de Tchèque et d'Éthiopie, le vice-premier ministre et ministre syrien des Affaires étrangères et de l'Émigration, le ministre du cabinet du Premier ministre et second ministre des Affaires étrangères et du commerce du Brunei Darussalam, le vice-premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, le ministre slovaque des Affaires étrangères et des Relations européennes, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Congo démocratique.